Elle était belle au début, c'est vrai, elle était jeune aussi. Elle s'est fait tirer les dents, elle s'est fait... Elle s'est fait... Elle s'est trouvée plus belle, puis déçue par son premier qui lui a enlevé son petit trésor. Elle s'en est fait, elle s'en est fait, elle s'en est fait des os. Puis le nez allongé, puis vint le tour des seins gonflés. Puis comme elle voulait percer, et puis qu'elle aimait bien tourner, tourner, prendre son pied tous les jours, dévoiler, montrer son cul, se faire tirer, sucer, sucer, exposer ses seins, être épilé, être aspergé. Je sais pas, ma jolie, tu t'es refait la lèvre. T'es de moins en moins jolie, souillée tous les jours, star du porno. C'est pas une vie, putain, mais c'est joli aussi. Elles sont toutes belles quand elles se donnent, c'est pour le blé. T'aimes bien le sperme à la récré. Allez, allez, bourré, bourré. Y'a que des queues dans ce métier. Mais les petits gars, ils sont bien tristes. On parle garde. On voit que leur queue, ils peuvent être moches, ils peuvent être vieux, jeunes, musclés. Bon, ils sont pas nombreux dans ce métier. Ils sont pas nombreux à percer, mais on se prend en regardant. On veut qu'une bite qui rentre dedans, dans tous les trous, avec des cris. Oh oui, prends-moi, fais-moi jouer, prends-moi, fuck you, oh oui. Et puis, toujours à la fin, on voit la queue qui gicle sur le visage de ces pauvres filles qui ouvrent la bouche comme si elles priaient pour en avoir, pour en avoir. C'est n'importe quoi, c'est film des culs, c'est pour frustrer le gamin de 15 ans qui demande comment il va faire la première fois. Pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Elle sera triste de ne pas avoir assuré. Il se barrait, il se barrait. Il a jeté sa petite copine, il a jeté sa petite amie. Il s'en fera pas, il ira aux putes. Et puis voilà.